Le rassemblement au niveau central est consacré au 126e anniversaire du 1er mai, fête internationale des travailleurs du monde entier, a eu lieu le 1er mai à la filature Kim Jong-suk de Pyongyang. Y ont pris part Park Bong-joo et autres cadres responsables du parti et de l'État, les cadres des organisations des travailleurs, des ministères et des établissements centraux, ainsi que les autres citadins. Park Bong-joo, membre du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée et premier ministre du cabinet ministériel de la République populaire démocratique de Corée, a fait le rapport qui dit notamment « Le 1er mai est la fête significative pour renforcer la solidarité internationale avec les travailleurs du monde entier en manifestant la puissance combative et l'esprit héroïque des travailleurs de la Corée du Sud comme ouvriers, paysans et intellectuels qui luttent vigoureusement pour faire briller notre pays en puissance pectosane digne de son nom sous la direction du Grand Parti. » L'histoire sacrée de la révolution coréenne brille comme les annales fières où nos travailleurs ont accompli à merveille leur noble mission et tâche dans la lutte pour la réalisation de la cause révolutionnaire Chuché et de la cause socialiste grâce au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il. Finalement, il appelait tous à avancer vigoureusement avec la haute confiance en la victoire finale de la révolution Chuché en s'unissant étroitement comme un seul autour du maréchal Kim Jong-un.